Bonsoir tout le monde, comment vous allez? Vous allez bien? J'espère en tout cas parce que je vous sais nombreux. Vous êtes, d'après l'ordinateur, 627 884 à écouter là tout de suite, dès la première seconde, la saga des Fab Four. Merci à vous et parlez-en encore parce que j'ai l'intention d'être 628 885 dès la semaine prochaine. Voilà, l'album de la semaine, c'est l'album Pipes of Peace de Paul McCartney en 1983. Et on va écouter dis ce que tu veux. Mais ne joue pas avec mon affection. C'est Say Say Say de Paul McCartney avec un petit gars qui a réussi à l'époque. Il était sur la montée. C'était Michael Jackson. Ce sera donc la première chanson. Il y aura également The Other Me que j'adore. Il y aura Keep Undercover, Pipes of Peace, So Bad et Sweetest Little Show pour compléter cet album de la semaine. Il y aura également du Lennon, du Harrison, du Starr et des Beatles. Pour Lennon, ce sera Tight As, un jeu de mots entre Tight As, donc serré comme, et Tight As, si on met deux S à As, par exemple, c'est le cul serré. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, George Harrison, lui, nous chantera I Have You Anytime sur le fantastique album All Things Must Pass. Quant à Ringo Starr, ce sera All By Myself, Don't Need Nobody Else, en 74, sur l'album Goodnight Vienna. Quant aux Beatles, on rendra un petit hommage à notre copine Lovely Rita, puisque ce sera la chanson Lovely Rita. Voilà pour l'essentiel. Pour le reste, je vous invite à nous retrouver sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. C'est quand même facile, c'est facile à trouver. Et on commente sur le topic qui est tout en haut. Fait exprès, vous êtes nombreux à écrire. Je sais que vous êtes beaucoup plus nombreux à écouter. Et heureusement, imaginez-vous, 628 000 personnes qui commentent sur le groupe Facebook, c'est foutu. J'aurais pas le temps de lire tout ce qui est écrit et j'aurais pas le temps de répondre, etc., etc. Bon, enfin, que la saga commence, les trois coups ont sonné et le premier titre que je vous propose d'entendre, c'est Didi, ce que tu veux, mais ne joue pas avec mon affection. Monsieur Paul McCartney et Monsieur Michael Jackson sur Pipes of Peace. Girl, to get through to you. Rebs of Peace est un album studio de Paul McCartney, le cinquième qu'il enregistre en solo, paru en 1983, produit par George Martin, le producteur des Beatles. L'album reprend ce qui a fait le succès de l'opus précédent, Tug of War. Plusieurs des chansons ont d'ailleurs été enregistrées au cours des sessions de préparation de ce dernier à Montsara, début 81. Si les chansons restantes sont enregistrées en 1982, l'album est repoussé à la fin de l'année suivante. McCartney étant très occupé par un autre projet, mais qui va faire un gros flop, son film Give My Regards to Broad Street. L'album reprend également une autre des recettes qui a fait le succès de son prédécesseur, les collaborations avec de prestigieux artistes. La collaboration ici n'est pas des moindres puisque McCartney interprète deux titres avec un Michael Jackson alors en pleine ascension. L'un d'eux, Say Say Say, qu'on vient d'écouter, connaît un grand succès à sa sortie en single. La chanson titre Pipes of Peace, c'est une réponse au titre de l'album précédent, Tug of War, connaît également un grand succès sous ce format. L'album lui-même, malgré un accueil mitigé de la critique qu'il apprécie nettement moins que son prédécesseur, rencontre un véritable succès commercial, tant mieux. À la quatrième place des charts au Royaume-Uni, il réalise un nombre de ventes supérieur à Tug of War, devenant ainsi disque de platine en 2 mois. S'il ne dépasse pas la 15e place de l'autre côté de l'Atlantique, inaugurant une longue absence des top 10, top 10 américains jusqu'à Flaming Pie en 1997, il s'écoule néanmoins à plus de 1 million d'exemplaires, ce qui est quand même pas mal. beaucoup plus calme. En 1970, c'est George Harrison qui nous chante I Love You Anytime, sera suivi par All By Myself en 74 par Ringo Starr. I see where I wasted my time. You came and took what you wanted, and then tried to take what was mine. Don't you know I'm tired? I'm tired of finding myself up against the wall. McCartney en tout début d'émission avec C, puis Lennon, Titus, George Harrison, I Have You Anytime, et à l'instant, Ringo Starr avec All By Myself. Les quatre réunis, ça donne les Beatles. Et pour tout savoir sur les Beatles, il faut parler de Lovely Rita. Qui est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, il vous suffit d'aller sur BeatlesMagazineUK.com. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est lu par des milliers de fans à travers le monde et vous avez toute l'actualité des Beatles, y compris celle de Paul et de Ringo. Bref, toute l'actualité, c'est sur BeatlesMagazineUK.com. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même 8 jours, 8 days a week. C'est là. This is for you, lovely Rita. Voici lovely Rita, les Beatles sur RG. Your heart away. Standing by a parking meter, when I caught a glimpse of Rita, filling in the ticket in a little white book. In a cap, she looked much older, and the bag across her shoulder made her look a little like a military man. Lovely Rita, meet a maid. May I inquire discreetly? I nearly made it, sitting on a sofa with a sister or two. Oh, lovely Rita, meet a maid. Where would I be without you? Give us a wink and make me think of you. Rita,

Sweetest Little Show, Average Person ou encore Keep Undercover qu'on écoutera ne manque pas de charme. Mais le sentiment persistant à l'écoute de tout cela demeure que du McCartney que l'on aime ne subsiste ici que son indéniable savoir-faire et que son âme s'est perdue dans les entrailles des consoles multipistes. Par la suite, Paul fera peu de cas de cet album dont il ne reprendra aucun titre sur scène et seuls Pipes of Peace et CCC ou The Man trouveront place sur diverses compilations commerciales ou promotionnelles. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cet album-là. Et la suite, c'est John Lennon sur RG avec Angel Baby. À mes copains de l'aviation. Been away so long, I hardly knew the place. Gee, it's good to be back home.

À l'instant, The Beatles extrait de l'album blanc Back in the USSR d'abord, et puis Revolution, son titre, tout comme Back in the USSR, non pas Back in the Revolution, c'était pas le titre. Donc, son titre, tout comme celui de Back in the USSR, était trompeur. Il ne s'agissait pas de la chanson d'un révolutionnaire, mais de la réponse d'un artiste dont tous les révolutionnaires exigent qu'il choisisse son camp. Parce qu'il était de loin le plus politisé des Beatles et professait des idées largement ancrées à gauche, John était devenu la cible de divers groupes léninistes, trotskistes et maoïstes qui pensaient qu'il devait un soutien moral et financier à leur cause. Revolution était la réponse de John à ces factions, les informant que, même s'ils partageaient leur espoir de changement, ils pensaient que la seule révolution qui ait un sens viendrait d'un changement dans les mentalités plutôt que d'une action violente. Cela dit, son avis était loin d'être une certitude absolue et il se couvrit sur la version lente de l'album que vous venez d'entendre, la première enregistrée, en remplaçant in extremis la phrase « Count me out, vous devez compter sans moi » par « Count me out in, vous pouvez compter sur moi, enfin vous pouvez ne comptez pas sur moi, enfin si, vous pouvez compter sur moi ». Mais lorsqu'il sortit la version rapide en phase B du 45 tours de Hey Jude, enregistrée un mois plus tard, les paroles étaient bien « Count me out », c'est-à-dire « Vous devrez compter sans moi au grand dam de tous les révolutionnaires ». Just gotta listen to the 1976 sur un album, on va dire moyen, de Ringo Starr. L'album s'appelle Rotogravure et le titre c'était Cooking in the Kitchen of Love. Ça c'est l'album de la semaine et c'est superbe. Keep Undercover sur RNG. Love, I'm gonna take you out on a journey. Keep out of trouble till the weather is bright and clear. Pour nous de faire un appel aux dons. Vous savez que la radio est en difficulté. Il y a déjà certains dons qui nous sont parvenus. Merci à tous ceux qui donnent, même peu, même beaucoup. Hein. Je ne suis pas au courant de tout ce qui est donné, mais si quelqu'un veut nous donner 1 million d'euros, c'est avec plaisir. S'il peut le mettre à mon nom, ce serait très très bien. Bon, bref, soyons sérieux. Voici l'appel aux dons de RG. Votre radio locale RG a le don d'émettre depuis 40 ans. Mais aujourd'hui, pour continuer ses émissions, RIG a besoin de vos dons. Suite à une panne technique, les antennes doivent rapidement être remplacées. RIG est une radio associative non commerciale. Un appel aux dons est lancé pour nous aider à financer cette opération indispensable pour continuer à diffuser. Si vous souhaitez participer et aider RIG à exister, merci de nous contacter par mail. Direction @rigfm.fr. Direction@rigfm.fr. Les mots importants sont pour continuer à diffuser. N'oubliez pas que si la radio disparaissait, eh bien, il est probable que la saga des Fab Four disparaîtrait aussi. Espérons que non. You made the show. We

clin d'œil de McCartney aux chansons de l'époque de son père, à lui, Jim McCartney. Il aimait bien ce genre de truc. Lennon moins, mais bon. Avec aussi dans le clip, dans le téléfilm Magical Mystery Tour, cette énigme, enfin une énigme qui a été faite a posteriori en 1969, je vous résume ça. Un disjockey de Détroit a dit McCartney est mort depuis 1966 et depuis 1966, les trois autres Beatles mettent des petites allusions pour dire qu'il est mort. Et comme par exemple en 1967 sur Magical Mystery Tour, lorsqu'ils descendent l'escalier en smoking, ils ont tous la même fleur, sauf McCartney. C'est un signe. En 1967, lorsqu'on regarde la pochette de Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band, la clarinette, il me semble, montre et arrive au niveau de la phrase, puisque les paroles étaient sur le disque à l'arrière. He blew his mind out in a car. Il s'est éclaté la tronche dans un accident de voiture. Et puis ça va comme ça tout le temps. En 1969, sur l'album Abbey Road, justement, ils traversent à pied de l'endroit où ils travaillaient vers ailleurs et apparemment, ils seraient tous dans des tenues de fossoyeurs, plus ou moins, puisque le blanc est symbole de mort chez les uns, le noir symbole de mort chez les autres, et Harrison qui était en jean ferait celui qui... Voilà, en fait, tout ça, c'était faux, ça a été fait a posteriori, on va dire, par des complotistes qui ont dit « voilà, voilà les preuves, c'est sûr », alors que c'est du coup de bol. Mais bon, heureusement qu'il n'est pas mort McCartney, parce que sinon, le sosie, qu'est-ce qu'il a comme talent ? Retenez cette dernière phrase là. That was Can You Dig It? Pourquoi est-ce que je vous dis ça, que de retenir cette dernière phrase? Eh bien, écoutez ce qui figurait sur l'album originel, l'album Let It Be. She is standing right in front of me, speaking. and the broken-hearted people living in the world agree. There will be an answer, let it be. But though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Ça doit être bientôt, hein, le documentaire en 6 heures sur Disney+, je crois. Donc, il va falloir que j'aille regarder ça, Let It Be en 6 heures, par rapport à celui que j'avais vu dans les années 80, parce que c'était ressorti à Bordeaux, je me souviens. Dans la même semaine, j'avais vu Hard Day's Night, donc film de 64 avec les Beatles en pleine ascension, plein de joie de vivre et tout ça. Et en fin de semaine, la Let It Be, la première version, celle que tout le monde connaît, qui était triste, qui était le film d'un groupe qui est en train d'éclater, alors que seulement 5 ans étaient passés entre les deux films. C'est impressionnant. Hein, je suis impatient de voir ça, surtout que d'après ce qu'on nous dit, eh bien, oui, c'était un moment de séparation, mais il se retrouvait dans la musique. Il y a quand même beaucoup de joie dans ce film-là. Vivement, ben, là, dans ce mois-ci, quand ça va sortir. Allez, on revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Pipes of Peace de Paul McCartney, sorti en 1983. Et voici la chanson éponyme Pipes of Peace sur RIG. RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. All we long to hear. you say? Do you say? Will the human race be run in a day? In a day. Or will someone save this planet we're playing on? De passer à la cover. La cover, c'est une chanson chantée par vous, peut-être, ou en tout cas un artiste connu, que ce soit les Beatles qui l'aient chantée ou les Beatles en solo qui l'aient chantée, même si eux-mêmes faisaient une cover de Chuck Berry, par exemple. La cover, c'est ça. Voici deux covers aujourd'hui pour le même prix. Vous vous rendez compte ? On va écouter d'abord Heart of the Country de John Pizzarelli. Je n'invente rien, ça s'appelle comme ça. Sur l'album, j'ai perdu mon petit conducteur, sur l'album Midnight McCartney sorti en 2015. Une version jazzy plutôt sympa. Et puis, l'autre, ce sera le copain qui a chanté Say Say Say avec lui, Michael Jackson. En 1979, il reprenait Girlfriend sur Off the Wall. On les écoute à la suite, les deux covers pour le prétin sur RIG. I look high, I look low, I'm looking everywhere I go. Looking for a home in the heart of the country. I'm gonna move, I'm gonna go, I'm gonna tell everyone I know. Looking for a home in the heart of the country. Heart of the country where the holy people grow. Heart of the country, smell the grass in the meadow. Whoa, whoa, whoa. I want a horse, I want a sheep, I want to get me a good night's sleep. Living in a home in the heart of the country. I'm gonna move, I'm gonna go, I'm gonna tell everyone I know. I'm living in a home in the heart of the country. Heart of the country where the holy people rule. Heart of the country, smell the grass in the meadow. Tell everyone I know. In the

Let's go. Back. Ce medley ne dure qu'une minute cinquante. Moi, j'en aurais bien pris pour trois minutes sans problème, tellement c'est bien monté, c'est bien fait, c'est bien agencé. Et surtout, ce ne sont que les Beatles, il n'y a pas de trucage. Bip-bop, la chanson qui a influencé un certain Alain Souchon et Laurent Voulzy il y a quelques années, en 1977. Mais là, ça date de 1971 sur l'album Wild Life, Paul McCartney sur RG. même année, hein, mais complètement différent entre Paul McCartney et John Lennon. Paul McCartney, c'était Bebop sur Wildlife. Et George Harrison. Mais non, John Lennon. John Lennon, c'est sur l'album Imagine. Et c'était It's So Hard. On revient à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Pipes of Peace, sorti en 1983 de Paul McCartney. Et ce titre, très aigu. C'est, paraît-il, c'est sa femme Linda qui lui a demandé de chanter comme ça. So Bad. Et là, il y a Ringo Starr qui joue dessus et il fait pop pop pop au moment où il tape sur le fût. La batterie, quoi, si vous préférez. 1976 de George Harrison, qu'on retrouve tout de suite, 6 ans plus tard, en 1982, sur l'album Gone Tropo, et cette chanson, Baby Don't Run Away. You brought me everything I wanted. 78, Paul McCartney n'avait jamais chanté aussi haut. Mais lorsqu'il a donné la chanson à Michael Jackson, pas Paul McCartney, pour la chanter, lui, il n'a pas eu de mal à la chanter plus haut, Michael Jackson. Bien, juste avant de retrouver Eric pour son émission extraordinaire que j'écoute absolument tout le temps, disons sur le trajet à la maison, parce qu'après je me lève très très tôt le matin, son émission qui s'appelle Johnny de A à Z, et qui ce soir, par rapport aux autres fois, va être encore une fois vachement bien. Bref, nous faisons un appel aux dons, encore une fois. Votre radio locale RIG a le don d'émettre depuis 40 ans. Mais aujourd'hui, pour continuer ses émissions, RIG a besoin de vos dons. Suite à une panne technique, les antennes doivent rapidement être remplacées. RIG est une radio associative non commerciale. Un appel aux dons est lancé pour nous aider à financer cette opération indispensable pour continuer à diffuser. Si vous souhaitez participer et aider RIG à exister, merci de nous contacter par mail. Direction@rigfm.fr. Direction@rigfm.fr. Et n'oubliez pas les mots importants si vous voulez que RIG continue à exister de façon à ce que la saga des Fab Four continue à exister. Singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. For this moment to arise, you are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. Quelle belle voix! Une dernière fois, l'album de la semaine sur RIG, l'album Pipes of Peace et Sweetest Little Show in Town. Treat you like a lover. got the sweetest little show in town. They got the sweetest little show. plus, sinon on va finir en retard. Donc, dans quelques minutes, ce sera Eric et Johnny de A à Z. Mais pour l'instant, un dernier George Harrison Blow Away. Ensuite, il y aura l'habituel Ringo Starr. Everybody's in a hurry when we c'est fini. Merci d'être resté jusqu'à 22h. Poste un petit peu quelque chose. Et dans quelques instants, mais vraiment quelques instants, dès qu'il sera venu de dehors, ce sera Eric et son émission Johnny de A à Z. À très très bientôt. Merci pour tout. Salut, ciao.